Apocalypse 3, t'as cru un rêve, sale enculé, crève. Y'aura pas de trêve pour ceux qui avancent à reculons. Sale salué, levé en l'air, la desperado. T'espères être sauvé, toi et ta meuf, vas-y espérer à deux. Calculons le nombre de bouffons qui ont eu peur de l'éclipse. Ici c'est réaliste, pas du trucage comme dans l'éclipse. On veut chambouler ta vie de bohème, aborde nos Boeing. Copain raté, cette fois-ci l'offensive viendra de Kin. Et dans tous les cas, tu verras rouge comme la canette de coca. Sortirait de leur cocon, les cons effraient crier le cas. Kaka par cas, je m'occuperai de vous, je suis armé sous le kawaii. Kawa apocalyptique même si t'es pas ok. Sur leur loi, je respecte que l'Europe. Sur ma bannière, c'est l'Afrique. Non, je sucerai pas l'Europe. Oh yeah, mais à l'abri, ton père est ta Ramda. Après l'apocalypse 3, tous les jours, ce sera Ramda. Mais dis-nous où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace, mais après, hop, pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace, mais après, ouais, hop, pour ouais, le face à face. Qui dissente, ma qui dérime pas, qui trompe pas. Mais qui y a qui? Des foules amassées, des foules agacées, des foules agressées, des mecs entassés. Foulés, des blessés. On finira tous à la mec, mec. M'arrache écrira tous ceux qui veulent. Constate, mec. Trop de moments voient des mémos. Que leurs mamans prennent de la meumeux dans leur bouche, trop de demeux. On a que la violence comme réponse à notre insouciance. Nous voilà sous les tranchées à faire de la résistance. On écrit contre les mecs, criant nos écrits, c'est en criant. Qu'ils vaincront et non en priant. Armée pire qu'un régiment touti, mal poli mais affamé, on oublie souvent de dire merci. Nos adcrates, commis par les braves, interdits aux traves. Mais nos putes, on les baisse dans les caves. Mais dis-nous où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace, mais après, hop, pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace, mais après, hop, pour le face à face. Derrière chemine, peinture alléchante, immatriculation guesmer. En cas de mort, l'entente et torture. Valga, race ta race, rien de plus efficace que Chifa, un chien qui suit ta trace. Vu tant d'hypocrisie et affûte et fuite de mytho. Tous espérant pouvoir vendre angétique les faces de bâtard. Les chers du pote, afin de nous nuire, ils complotent entre potes. Cette sorte d'attitude à fuir ne nous touche pas. Cette fois, ce fils de pute sera étreint jusqu'à sa fin. Bien, les bases sont fondées, tiens. Je viens poser vex, rien de flexible dans ce texte. Ces nègres complexes lâchent les lyrics en l'eau. Get on pète ta sound machine. Je gère l'espace qui m'entoure, ne tente pas de rentrer dans le cercle. Trop pour être disparu par manque de vrais conseils. Mais dis-nous où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace mais après hop pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace mais après. Pour le face à face. Dans les temps, les temps de rivière à traverser. Là elle est passée, l'amour nous a laissé quelque chose dans les temps. Et combien de raisons pour le droit d'éclater les barrages. Les jeunes crachent la rage depuis qu'ils ont la mort en héritage. L'entrave a régi, les mœurs s'adoucit. Ça mâche la gomme et crache dans les caves quand chantent les indécis. Y'a tant de récits à ressasser sans cesse. Faut qu'on pousse les sas pour le réveil des mecs qu'on assassine dans la masse. Y'a eu trop d'épices dans la sauce. Les chiens sont sans laisse à la tête, tous casques pour décoller. La niaque c'est la taxe de l'état pèse depuis le marché du latex. Y'a peut-être des mots crus et un style crade, mais en scred laisse. Ceux corrompus niquer le gel seront pas là si les corrompus plaident. Juste avant qu'on perde la morale. De nos temps gardons la foi dans le Graal. A chacun son rôle normal pour survivre ici c'est vital. Mais dis-nous où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace mais après hop pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace mais après hop pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Dix soldats sont en place. En menace mais après hop pour le face à face. Où tu te places. Dix soldats sont en place. J'ai rescapé du feu de brûle comme du charras. Où tu te places. Les soldats sont en place, en menace, mais après, hop, pour le face à face.